sais. Fuck you, je vois la mettre du trou du cul au palais. J'suis le meilleur, t'es le pire, même ta mère le savait. Oh my god, rien qui parle, mais ils assumeront jamais. Mes gars sont tellement polygames, j'crois qu'ils se marieront jamais. Oh shit, let's get it, j'veux ma big money. Dans ma rue, business à la Tony Tony. Ça tout fait, personne le prouve, t'es un dummy dummy. Big ass, pretty face, elle est bonne et jolie. What the fuck? Cheveux blancs, j'suis un génie. What the fuck? La voisine entend une bitch en train de jimmy. What the fuck? Cheveux blancs, je suis un génie. What the fuck? En face tu me félicites, derrière tu me dénigres. Ah, oui je sais. Oui je sais. Oui je sais. Oui je sais. Que mon flow et mon style te plaît. Oui je sais. Bla bla tous les jours sur moi. Oui je sais. Oui je sais. Oui je sais. Oui je sais. Oui je sais. Que mon flow et mon style te plaît. Oui je sais. Bla bla tous les jours sur moi. Oui je sais. J'suis dans la playlist de ton DJ. Ici pas de faible que des OG. Mon rap tue R.I.P. J'ai des codes de rappeur pour le dîner. Dans ce truc avec mes frères on se sait. Cherche pas l'embrouille motherfucker où on te sait. On est dans ce truc, dans ce truc, dans ces choses man. Dealer de flow dans l'oreille, prends ta dose man. 243, 228 va faire Sachi, billet vert matière de Sachi. Dans le game ils sont à l'heure, j'suis en avant. Dans le game ils sont à l'heure, j'suis en avance man. What the fuck? Cheveux blancs, je suis un génie. What the fuck? La voisine entend une bitch en train de jimmy. What the fuck? Cheveux blancs, je suis un génie. What the fuck? La voisine entend une bitch en train de jimmy. Ah, oui je sais. Oui je sais. Oui je sais. Oui je sais. Que mon flow et mon style te plaît. Oui je sais. Bla bla tous les jours sur moi. Oui je sais. Oui je sais. Oui je sais. Oui je sais. Oui je sais. Que mon flow et mon style te plaît. Oui je sais. Bla bla tous les jours sur moi. Oui je sais. Oui je sais. Oh, tu le sais. Tu le sais. Bitch, oui je sais. Oui je sais. Oui, yeah je sais. Yeah. Let's go. Yeah yeah, je suis dans ce truc, on est dans ce truc, dans ce truc, dans ces choses, man.